une espèce de spores, genre de virus exterminateur, plus ou moins doté d'une intelligence artificielle, a ravagé la planète. D'accord ? Il n'y a plus rien, et on envoie dans l'espace un vaisseau avec ce qu'on suppose être des individus encore à peu près sains, vous. C'est vous dire l'état de détresse dans lequel ils étaient, quoi. Et là, vous êtes plus ou moins cryogénisé dans une cellule, machin. Le petit père fait tout qui va bien, parce que c'est quand même un univers un peu SF. Et là, SM, SF, il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. C'est ça. Science, voilà. C'est sado-fiction. Sado-facho. Je sais pas. Et donc, l'unité centrale vous réveille. Elle a détecté un problème. Et ce problème, c'est l'un de vous est contaminé. Mais alors, il est contaminé depuis une plombe, hein, cryogénisé, tout ça. Autant dire que le bétain à l'intérieur, il a fait des petits. Donc, celui de vous qui est atteint là, il est atteint. C'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un moyen de faire en sorte que ça aille mieux, c'est de le passer par une soute. Il n'y a pas de rédemption, pas de soins, il n'y a rien de possible pour lui. Donc, on est dans un jeu à rôle caché. D'accord, donc vous aurez tous un rôle. La plupart de vous, vous serez astronaute. Donc astronaute, c'est le rôle de base. Et parmi vous, il y aura quelques rôles clés. Donc, je vais vous donner les deux premiers rôles clés, les fondamentaux du jeu. Donc ce fameux mutant qui est atteint par un spores, qui chaque nuit va pouvoir faire deux actions. Il va pouvoir paralyser un personnage qui ne pourra plus utiliser ses pouvoirs s'il en a. Nicolas ? Est-ce que je peux déranger 20 secondes ? Ah, même dans l'espace, il y a des trucs incroyables. Donc vous êtes la plupart des astronautes, je disais. Il y en a parmi vous, il y en a un qui est mutant. Donc le mutant, il peut chaque nuit paralyser quelqu'un qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs spéciaux si tant est qu'il en ait. Et pour une autre personne, il va pouvoir choisir soit de la contaminer, soit de la tuer. Donc la tuer, ça consiste à la tuer, et terminé, le bar est ouvert, enfin voilà. Et la contaminer, ça veut dire que la personne rentre dans le jeu, elle change complètement de rôle, c'est-à-dire elle n'a plus son rôle, éventuellement ses pouvoirs qu'elle avait avant, mais elle devient mutante. Et elle joue comme les mutants, et elle joue pour gagner avec les mutants. Donc l'idée, c'est qu'au début, il y a un seul mutant, le mutant originel, et puis après, il peut y en avoir deux, et puis trois, et puis quatre, qui toutes les nuits vont se mettre d'accord pour soit tuer, soit contaminer quelqu'un, et ainsi de suite. Donc ça peut avoir un effet contagion assez terrible. C'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux parce qu'il y a des médecins, il y a deux médecins. Les deux médecins, c'est les rôles clés. À partir du moment où les deux médecins sont hors d'état de nuire, vous avez perdu la partie. Et les spores ont gagné. D'accord ? Donc il faut absolument préserver les médecins. Les médecins peuvent soigner. Ils peuvent soigner tout le monde, excepté le mutant originel. Le mutant originel, lui, j'ai dit, un seul moyen, la soute. Donc il faut absolument préserver les médecins. Et là où c'est dangereux pour le mutant, je disais éventuellement de contaminer des gens, c'est que, par exemple, moi je suis mutant, je vais contaminer le jeune homme en face de moi, il va faire 2-3 nuits avec moi, on se connaît, on est tous les deux mutants, on zigouille du monde. Et là, crac, il y a un médecin qui le soigne. Sauf que lui, au moment où il est soigné, il perd pas la mémoire. D'accord. Donc il redevient loyal, sauf qu'il sait qui je suis et il sait qui sont tous les autres. Là, lui, autant dire, il y a deux options, le buter, la deuxième, le buter. Hein, ou le recontaminer si on a le temps, mais si on n'a pas le temps, il faut s'en débarrasser tout de suite. Voilà, donc ça, c'est les rôles vraiment clés du jeu. C'est-à-dire les astronautes, en quelque sorte, les personnages de base, pourrait-on dire. Le mutant originel qu'il faut réussir à tuer et puis après soigner tous les autres ou s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Donc dans ce cas-là, les astronautes gagnent la partie. Et puis pour le mutant originel et ou les autres personnages transformés en mutants, le but du jeu, c'est dégommer les deux médecins. Dès que les deux médecins sont dégommés, la partie est terminée. Ça marche. Alors, je vais vous donner des cartes. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. D'accord. Si le premier mutant meurt, ouais. Les autres, ils meurent pas, non ? Non, du tout. D'accord. Non, ils continuent de se reproduire, tout ça. Non, ça. La seule différence, c'est que tous sont soignables. Voilà. Alors que le premier, lui, est insoignable. On peut mettre les deux médecins dessus toutes les nuits, pas une affaire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Comment ça va se passer? Alors au début, on va élire un chef. D'accord? Parce que dans un vaisseau, il y a un capitaine. Un vaisseau digne de ce nom, c'est pas genre la joyeuse communauté du bonheur, il y a un patron. on va élire un chef. Ce chef-là, en cas d'égalité, c'est lui qui tranche. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y en a deux qui ont à peu près le même nombre de votes pour se faire dégommer, bah, c'est lui qui va dire, toi tu vis, toi tu meurs. D'accord ? Donc ça, c'est le rôle du chef. C'est tout le temps la loose d'être chef. D'accord ? Sauf quand on est dans les deux pour lesquels il faut décider. Dans ce cas-là, c'est l'autre qui meurt. Donc on élit un chef. On fait une nuit. La nuit, j'appelle le mutant. Le mutant, il paralyse quelqu'un. Le mutant, ensuite, une fois qu'il a paralysé quelqu'un, il va décider s'il contamine quelqu'un ou s'il tue quelqu'un. Vous verrez, c'est là où je disais, je parlais de contact un peu charnel. Là, c'est que moi, je vais faire le tour. Je vais toucher le sommet de la tête de la personne qui est paralysée. Et puis après, je toucherai le sommet de la tête de la personne qui s'est fait tuer ou de la personne qui a été... Et comment c'est si on est paralysé ou tué ? Et bien justement comme ça, c'est-à-dire que moi je vais passer, je vais dire là je fais un tour et je tripote joyeusement le sommet du crâne de la personne paralysée. Et je ferai un deuxième tour pour ceux qui ont été éventuellement tués. Et je fais un troisième tour, enfin je tourne beaucoup. C'est un jeu à la fin, moi c'est comme si j'étais bourré, je jure j'ai rien vu. Ça c'est la base. Donc on fait ce petit tour là. Donc la nuit suit son chemin, je rendors le mutant. Donc le mutant ne saura pas tout de suite. Lui il va savoir qu'il a transformé quelqu'un, mais la personne transformée elle ne se réveillera pas la première nuit. Elle se réveillera que la deuxième nuit. Donc la première nuit ils ne se connaissent pas encore les deux. Et à partir de la deuxième nuit, quand je réveille les mutants, bah, les deux mutants, ou les trois, ou les quatre, ou les cinq mutants, ils se connaissent tous. Après je réveille les médecins. Les médecins, ils peuvent soigner qu'une personne. Ils peuvent aussi décider de la buter. D'accord. Ça, c'est aussi possible. Ils peuvent dire, non, non, lui, on l'achève. Mais dans l'idée, les médecins, ils soignent. Ils vont essayer de soigner quelqu'un. Alors par contre, pour décider de tuer quelqu'un, les médecins doivent être d'accord. D'accord, ça, c'est un impératif. Il faut absolument qu'ils soient d'accord. Les médecins font leur office. Une fois qu'ils ont fini leur office, tout le monde rouvre les yeux. On passe sur une phase de jour. Dans les phases de jour, comme c'est un jeu qui ne va pas du tout vous rendre paranoïaque et qui est fait pour développer la joie et la communauté, vous allez avoir le droit de discuter entre vous, mais par des groupes de maximum 4 personnes. Je ne veux pas avoir un groupe de plus de 4 personnes, il n'y a que le chef qui a le droit de déroger à cette règle. Le chef, c'est le chef. Donc vous discutez, vous pouvez expliquer les groupes, tout ça, et vous allez tous venir voter de manière anonyme pour me dire qui vous pensez qu'il est sain d'éjecter du vaisseau. D'accord. Vous pouvez voter blanc. Si blanc a plus de voix que chacun d'entre vous, c'est blanc. Donc personne meurt. Mais vous verrez souvent en première, deuxième nuit, hein, je sais pas trop, c'est blanc, puis au bout de la troisième nuit, on croit. Et là, il y en a un qui dégage toutes les journées. Est-ce que ça va pour le concept global ? Alors, on va pas rajouter 36 personnages comme il y a beaucoup. Qui est débutant dans ce jeu ? Qui n'a jamais joué ? Moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va pas aller trop loin sur la galerie de personnages. Parce qu'après, il y a tout un tas de personnages avec des rôles particuliers qu'on peut rajouter. Je vous propose, on fait déjà une partie en mode soft, avec juste ça, c'est déjà pas mal. Et puis on rajoutera éventuellement après des personnages dans le jeu. Ça marche ? Je peux juste en rajouter un, c'est l'informaticien. L'informaticien, c'est un personnage, toutes les nuits, il a développé une espèce d'algorithme machin bidule. Toutes les nuits, il me demande combien il y a de mutants. Et je lui ferai signer. C'est-à-dire 1 mutant, 2 mutants, 3 mutants, 5 mutants, 14 mutants. Et voilà, lui, il saura à peu près jusqu'à quel point on est dans la merde. Il peut le dire ou pas. Tous des mutants sauf lui. Évidemment, la nuit, on communique que par signe. Donc quand je vous demanderai si vous êtes mutant, quand je vous demande qui vous voulez paralyser, bah, vous allez par exemple désigner une personne. Et après, si je vous demande qui vous souhaitez soit tuer, soit contaminer, quand on veut contaminer quelqu'un, on montre une personne en mettant le pouce vers le haut. Quand on veut le tuer, on montre la même personne en mettant le pouce vers le bas. D'accord ? Ouais, c'est ça. Bon, Gina. T'as vu la pub, hein ? Mais c'est une partie. On est. Tu joues ? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu joues pas ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais pas, 16, ok. Juste 2 secondes que je prépare. Les jetons en conséquence. Voilà. Oui, j'ai une question. On a le droit de donner une question. Est-ce que tu veux c'est qu'on est fatigué, on n'a pas de débat. Et là, il sort du placard. Ah, 17, Nicolas. rajouter un. Et 18, il y en a un qui arrive. Tu peux rajouter un deuxième. Du coup, il faut deux chaises. Est-ce que vous savez déjà jouer? J'ai déjà joué l'année dernière, mais. Tu te rappelles plus que t'as bien? Ouais. Ok. C'est con. Je vais la refaire en ralenti. Sinon, tu regardes. Moi, je joue, mais je joue comme au roi le charbon. Un peu de nuit, je butais pas... Il y a des astronautes et un mutant. C'est le roi le plus. C'est justicié dans le vaisseau. Voilà, c'est le roi le soigné. Ouais, on m'a pas fait ça parce que je suis tout le monde. Mais lequel? Mais en fait, j'étais tout seul à un moment, alors je me suis dit, oh, c'est lui. Donc, on est combien? 18. Deux de plus. 18. Il y a des chaises. Alors, pour des questions de nombre de tuiles, de toute façon, j'en aurais pas assez. J'ai rajouté des rôles hacker, généticien, fanatique. Je vous en tenais pas compte. Hein, c'est des astronautes normaux. C'est juste que sinon j'ai pas assez de pièces. D'accord ? Donc il y a juste les seuls rôles qui comptent, c'est informaticien, médecin, mutant, astronaute. Tous ceux qui ont autre chose que ça, vous êtes astronaute. Est-ce que l'informaticien, ça fait Michel directement ? Michel ? Ouais. Pourquoi Michel ? Parce que Michel est le génie informaticien. Trop jeune, trop jeune. On fait un vote. On propose un vote contre lui. Qui s'en aille. Monsieur. Au premier tour, tu étais quoi ? Ouais, là, c'est bon, j'ai compris, vous voulez plus que je sois. Ah, non, mais c'est ça peut se jouer. Alors, techniquement, on peut jouer jusqu'à 24, je crois. Si on met tous les rôles, tous les personnages, tous les. Bon, après, dans l'absolu, si on prend plusieurs jeux, il n'y a pas vraiment de limite. Mais. Ouais, faut pas que le tour quand on donne 18 ça dure 45 minutes parce que c'est le seul moment. La nuit est plus une partie en temps réel. Tu désignes lequel? Deuxième gauche, troisième droite. Derrière la voiture grise, non, l'autre côté. Par contre, Nico, j'ai 18. Donc le groupe de 4 ça va être dur. Mais non, mais tu peux être Max. Ah, mais tu peux être. C'est... Tu peux faire un groupe. Je veux pas plus que 4. Dans tu peux parler à 2. Donc, tu peux parler tout seul. Tu peux parler pour ne rien dire. T'es quoi? Non, super bien tenté. Des fois ça marche, on sait jamais. Ouais, mais s'il faut recommencer, ça va pas être marrant. Mais réfléchis quand tu reviens, tu fais. Qu'est-ce qu'il me faut en fait? Je comprends mieux. Oui, je vais guider au fur et à mesure. Mini, c'est important, c'est quand je vous appelle de vous réveiller. La famille, c'est bon. La famille. Alors, vous prenez tous connaissance secrètement de votre rôle. Il va falloir, alors ça, je suis désolé, ça va être un tout petit peu long vu qu'on est 18, mais je fais le tour et je dois noter tous les rôles. Il faut que je sache qui est qui pour animer le jeu. On va essayer de se faire relativement rapidement. Après, si on fait une deuxième, c'est bon, hein. J'aurais déjà les noms. La frontale. Alors, je vais commencer ici. Jérémy. Allez. Mutant. Tu montes ton. Tes papiers, Jérémy. Tes papiers. Police, papier. Papier du véhicule. Il est quoi, jardinier? Il lâchera pas le morceau. Jardinier dans l'espace. C'est important la déco du vaisseau. Cultiver des patates avec. Il y a des cultures. Il y a des cultures. C'est biologique. Avec du végétal. C'est sur Mars. Dans ce rôle. Ouais, je m'en doutais aussi moi. Si je vais très rapidement, c'est le moment où on a pas de Ouais, mais derrière, je peux pas passer partout. Hein. Ouais, je sais pas si on est aussi nombreux. Okay. Non, c'est Wonder Woman. Comment ça? Superwoman, on a dit. Superwoman. J'ai reconnu, là. Ah oui. Tu clignes des yeux, là. Mais si on peut pas le tuer, là, c'est moi son problème. Non, le mutant originel, on peut pas le tuer. La journée, on peut pas le soigner par les médecins, mais on peut le jeter par la fenêtre. Voilà, on peut lui dire, voilà. C'est toi, c'est ça. C'est ça que j'avais pensé. Ah oui, je savais. Bah, si t'as pas suivi ton rôle, on est pas dans la caca. C'est que tu vois, c'est invisible. Je sais ce que tu vois. Il est super. C'est jardinier. Mais qu'est-ce qu'il y a comme jardinier ici? Ça, quand même. Jardinier de l'espace. Les deux, quand même, la sélection, je trouve qu'elle a été un peu. C'est deux jardiniers. Ouais. Le cyber dealer, le dealer de l'espace, le cyber dealer. Le dealer de l'espace. Mais que dans la vraie vie. Quand on est astronaute, on peut entendre plus que toi. C'était pas lui qui mutait. Et il prenait juste les photos. Et encore. Attends, il est dans l'espace le mec. Ah, mais le mec il est parti 6 mois, il est arrivé, tu vois. T'inquiète, il faut déjà 3 heures pour aller chier. C'est toujours. Il y a des trucs qui m'avaient fait. Okay. Ça m'occupe toujours. Tiens, Thomas Pesquet est revenu, il va falloir que je réinstalle Google Earth. Oh, tiens, le Dan, c'est un peu là. Ah, mais t'as pas le droit. Non, ok. Est-ce qu'on a le droit à une arme? Moi, j'ai des armes gonflées. Ouais, on a des épées gonflables. On a une vie en plus qu'on peut se défendre. J'avais dit tout à l'heure qu'on allait commencer par une étape essentielle. Désigner un chef. Ah, là, c'est pour rire. Demain, on le fait en vrai, mais là, c'est pour rire. Donc, est-ce qu'il y a des candidats pour être chef? Ouais, moi. Carrément. Alors, on va faire un truc très simple. Vous allez garder juste 2 secondes la main en l'air. Dans l'espace, je vous laisse une phrase et une seule phrase pour faire campagne. Soit de mon côté, tu m'en... D'accord, donc vous avez le droit à une phrase. Je passe. Vous dites votre phrase, pourquoi vous pensez que vous êtes un meilleur chef que les autres. Après, on vote. Ça marche? Donc je commence par... Non, là-bas. Tu commences, j'ai un peu pas cher. Aurélien, tu pourras pas être pire que les autres, c'est ça? C'est ta phrase de campagne. T'as tombé le jeton, là. Ah, vas-y, je te passe. Salut, le chef, ça, c'est du dévouement, quand même. Retiens. Aurélien. J'ai perdu 10 centimes. Quelque chose à dire pour... Un mur entre nous et les extraterrestres. Voilà. C'est pas mal. Le côté jungle de Calais, tout ça. Bon, là, les copains, non, on part en espace, ouais. Dans l'espace. Ouais. On va pas rigoler. Si vous voulez survivre... Il y a un jardinier. Ça sera mon bras gauche. Non, en vrai, vrai, il est cuistot. Je veux, ça. Il y avait qui d'autre de candidat? Tu as fait candidat? Ça, c'est quand même un super bon programme. Que tout le monde soit heureux. C'est un programme qui a été inventé au tournant des années 60, ça. Et bien, c'est toujours bien. Alors, quoi, la phrase? Pour pas qu'il y ait de la bagarre. Pour pas qu'il y ait de la bagarre. Karim, il y avait. Est-ce qu'il peut y avoir deux chefs? Ah, c'est des blabla. Non, un seul. Non. Oh, Alicia, moi, on se calme. Ah, c'est des blabla, que de l'action. Ah, c'est de blabla, que de l'action. Moi, je vote pour toi, si tu veux. Il y avait quelqu'un d'autre? Le goût, ouais, mais non. Ok, je vais voter. Il a voulu être candidat. Donc, on a. Un candidat. Deux candidats. Trois candidates, quatre candidates. De l'action, pas de blabla. Passez, arrêtez. Ouais, arrêtez les blabla. Pas de blabla. Assez de blabla, mais que de l'action. Ouais, mais ça, c'est trop centriste. Ouais, en fait, dans les années 2000, c'était MMA. Alors, je vais maintenant vous inviter à voter. Donc, on va se la faire plus ou moins à main levée. Hein, ça sera relativement facile. Qui vote pour Aurélien? Deux voix. Trois voix. Nicolas, on peut voter pour plusieurs personnes. On n'est pas sectaire. Qui vote pour Kevin? Moi, je vote pour ça. Ah, merci. Deux, trois, quatre. pour ça qu'il y a ceux qui veulent survivre. On s'est senti l'instant leader. Emeline, qui vote pour Emeline? Alors, on va voter pour moi. 1, 2, 3, 4. Ambre, qui vote pour Ambre? Ouais, c'est super girl. 1, 2, 3, 4. Un raz de marée. Est-ce qu'il y a encore des voix pour Karim ou qu'est-ce qui se passe? Qui vote pour Karim? Moi. Ah. Ah, on sent qu'il y a quand même demain. Il y a de la solidarité dans ce vaisseau. On laisse pas quelqu'un qu'une seule voix. Non, c'est bien, c'est bien, c'est fair play, c'est chouette. Esprit coop, tout ça, il y avait le man tout à l'heure, je vois qu'il y a des gens qui ont Ambre. Tu as une super lourde responsabilité. A chaque fois qu'il y aura une égalité, à chaque fois qu'il y aura une décision que le groupe n'arrive pas à prendre, c'est toi qui décides. On est d'accord? Tu es le chef de ce vaisseau. Tu es le chef de lui. De lui, avec le micro, t'es le chef de tout le monde. Bravo, d'accord. Bravo, chef. On va applaudir le chef. Allez. Okay. En même temps, voilà, le t-shirt était prédestiné, il y avait quelque chose. Je t'invite à te remémorer qui a voté pour toi. Non mais moi, je lui sens un leadership naturel, un t-shirt, dans tout. Donc, nous avons un chef, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que parmi vous, il y a un mutant aussi. Ah, merde. C'est peut-être même votre chef, on n'est pas à l'abri. Ouais, parce que le mutant aussi, il a le droit de se présenter, hein, c'est pas marqué. Non, non, pas toi. Sinon, c'est trop facile, on s'est couché. Allez, tout le monde s'endort. Tout le monde s'endort, nuit normale dans le vaisseau, hein, enfin voilà. Pour l'instant, on dort. On ferme les yeux, personne ne se réveille tant que je ne l'ai pas invité à se réveiller. Évidemment, tous ceux que j'appelle la nuit, je vous invite à faire le plus grand silence. Alors, tu peux, mais il y en a, ça leur a pas réussi. Alors voilà, évidemment, on fait en silence, hein, les mutants pour pas se faire désinguer par le groupe, les médecins pour pas se faire désinguer par les mutants. Tout le monde a intérêt à faire tout doucement. Tout le monde dort, tout le monde dort, tout le monde dort, quand je vais réveiller le mutant originel. Le mutant originel ouvre les yeux. Et le mutant originel va me désigner la personne qu'il veut paralyser. Il ne pourra pas utiliser ses pouvoirs cette nuit s'il en a. Juste avec le doigt, sans faire du tout de bruit. Donc le mutant m'a désigné la personne qui souhaitait paralyser, celle qui ne pourra plus utiliser ses pouvoirs. Maintenant, il peut désigner une personne, soit en mettant son pouce vers le bas, qui va tuer, soit en mettant son pouce vers le haut, qui va transformer avec lui comme mutant. Alors, petite précision pour le mutant, on ne peut pas paralyser et tuer la même personne. Donc, je te paralyse et je te bute. C'est du judo en fait. Donc le mutant, voilà, il y a une personne, on va refaire, une personne qui est juste paralysée. Elle n'est pas tuée, pas transformée, elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Quelle personne? Quelle personne avec le doigt qui est juste paralysée? Et l'autre, on garde la même. Ok, c'est bon. Je vais faire un petit tour de l'assemblée. Et je vais d'abord tripoter affectueusement le sommet du crâne de la personne qui a été paralysée. Donc c'est bon, hein, le mutant peut se rendormir. On ferme toujours les yeux? Ouais, on ferme toujours les yeux. Vous ouvrez quand je vous le dis. Donc la personne paralysée, voilà, je fais mon petit tour. Je fais un deuxième petit tour pour toucher le sommet du crâne de la personne qui éventuellement a été mutée. Je fais mon petit tour. Je fais mon petit tour, hein, je vous avais prévenu, hein, je tourne beaucoup. Et maintenant, le sommet du crâne de la personne qui éventuellement a été tuée. Donc évidemment, hein, toujours, on ne fait pas de bruit. Je continue. Donc tous ceux qui ont été maintenant soit tués, soit paralysés, même si je vous appelle, vous répondez pas. J'invite maintenant les médecins à se réveiller. Les médecins, vous avez la possibilité de soigner une personne. Donc désigner une personne pour la soigner. Alors évidemment, la première nuit, c'est pas évident de savoir qui est quoi, etc. Mais on peut essayer de désigner une personne pour la soigner. Ok, le médecin se rendort, je fais le tour de l'assemblée et je vais toucher le sommet du crâne de la personne qui a été soignée, si tant est qu'elle était malade. Si elle n'est pas malade, voilà, je fais rien du tout. Ok, la nuit est terminée. Je réveille tout le monde. Donc évidemment, là, vous ne savez absolument pas qui a été paralysé. Vous ne le saurez jamais, enfin si, à la fin de la partie, quand on refera le match, mais pour le moment, non. Mais par contre, c'est la dure loi de ce jeu, et la dure loi de l'espace, et la dure loi de la mutation. Le mutant, il a choisi de mettre un terme à la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était pourtant empreint d'un grand pacifisme. C'est moche. Je suis désolé, Emeline. Je vais reprendre ton petit pion. Ça tue les enfants. Je garde en souvenir. Ça tue les enfants. L'ordonnance de médecin. Voilà. Et en plus, ouais, le mutant, hein, il a pour le moins une nez creux. Parce que première nuit, il dégomme un médecin. Et oui, le médecin, ça me bah oui, parce qu'il n'y en avait plus qu'un. De toute façon, j'allais vous le dire. Donc voilà, la médecine est déjà sur une mauvaise pente. Donc manger, vous aviez deux chances, il y en a déjà plus qu'une. Maintenant, je vous avais expliqué la procédure. Vous pouvez aller discuter, vous avez 3 minutes. Vous allez discuter où vous voulez, avec qui vous voulez. Simplement, vous ne pouvez pas discuter dans un groupe de plus de 4. Vous ne pouvez pas discuter avec le médecin qui est mort. Par contre, si vous êtes médecin mort, on peut papoter tous les deux, ça en a le droit. Et à la fin des 3 minutes, tout le monde doit être venu me voir pour me dire contre qui il vote ou s'il vote blanc. Ça vous va? C'est super sympa de devoir désigner quelqu'un comme ça quand on n'a aucune idée de qui. Allez, vous pouvez y aller, vous vous levez, vous papotez, c'est parti. Ce monsieur a parlé, Stéphane a parlé, il a dit on se rendort, donc c'est toi tu es un astronaute, à mon avis. Ah oui? Mais oui, parce qu'il a dit tout le monde s'endort, tout le monde ne se réveille pas. T'enregistres. Oui, j'enregistre la partie. Ok, d'accord. J'ai l'impression. Après, là c'est trop flou, il y a trop de monde là. D'accord, c'est bon, je sais pour qui je vote. Et je sais pas, moi j'ai rien entendu, rien. Médecin. Petit garçon qui arrête pas de me regarder derrière. Ça... On va finir parano en fait. Oui, on est complètement parano en même temps. Mais que nous, oui, c'est soit parano, soit parano. Donc dans tous les cas, on va finir. Parce que. Moi ouais, j'en sors pas. Pour moi, Est-ce que tu peux échanger avec Camille disait que Stéphane n'aurait pas le droit de dire on se rendort tous. Donc, on a le droit de discuter. On débute que Stéphane sera un astronaute. C'est sa déduction personnelle à lui. J'ai l'impression que quand il a tourné Nico, il n'est pas venu beaucoup de mon côté. Oui, ça j'ai entendu aussi. Ouais. À un moment, il a fait j'ai fait le tour, et puis c'est parti. Pas, je pense. De toute façon, c'était pour le dessin le mort. Donc, le mort était... Ouais, mais à un moment, il y a une photo. Il reste grosso modo 1 minute 30 pour venir voter. Bon, pour l'instant, je vote. Le chef vient voter. Allez, le chef, montre l'exemple. Ça, c'est bien. Ça, c'est du capitana. Allez, vas-y, dis-moi pour qui tu votes. Dans l'oreille tout bas. Ouais, je Ouais. Ou alors. Il faut faire la queue, hein. Comme tout le monde. Oh, pardon. Attends, hop. Passez d'un côté, là. Tu l'as dit. Alors. Ok. Et on bute Caradoc. Comment ça on bute Caradoc? Make the ship great again. Make the ship great again. Bonjour, c'est Guillaume. Il n'y a pas de Guillaume dans le vaisseau. De toute façon, dans l'espace, personne t'entendra crier. Ouais. Et là, les gars reviennent sur Terre exprès pour le décider. Je sais pas si y a un Guillaume dans le vaisseau. Personne ne sait. Coucou, c'est moi. Tu le dis à Nicolas. Pour hein. Voir sa réaction. Non. Je suis pas déconné. Alors, que pensez-vous de ces élections? Viens me dire, s'il te plaît. T'inquiète pas, ce ne sera pas enregistré. Tu vois, on va se refaire le match. À mode spectateur, bonjour. Tu fais les commentaires. Je pense. Toi, tu feras les commentaires. Je viendrai te voir pour les commentaires d'après match. Sur gaming. Ça sera en post-prod. Alors là, à ce moment-là, on fera un petit coup. Alors là, je pense que lui, il va jouer parce que. Je trouverais même libéré qu'il aurait pu s'intéresser un peu plus à quand même. Je pense que ça serait un peu plus avantagé. J'interviewerai. Oui, alors, avec des copains, on va se dire des choses. Et je pense que c'est des proches. J'ai dit, t'as dit que tu étais Guillaume. Non. Prochaine partie, je ne serais même pas commencé déjà. J'imagine que tous les votes ont été donnés. Donc je vais donner le résultat. Azertov, t'as failli avoir une voix contre toi, puis finalement changer d'avis. Ça, c'est le micro, ça. Fais gaffe. Ouais. Fais gaffe, ça. Comme la dernière fois. D'ailleurs, c'était ça, le mec au micro. Ouais. Un vrai Jérémy, une voix. Ah ouais. Ambre, une voix. C'était moi, en fait. Stéphane, une voix. Camille, une voix. Kevin, une voix. Blanc, trois voix. Ça monte un peu, et comme je vais du plus petit au plus grand, vous pouvez deviner que déjà il y a plus que blanc. Il y en a un qui a réuni une quantité de suffrages assez impressionnante pour un premier tour. Oh, c'est dommage. C'est presque inédit. 9 d'un coup, oh oui. Sur une assemblée de 18. Franchement, ça ferait pas lire Macron. Hein. Lui avec son vieux 24 au premier tour, rien à voir. T'as compris que c'était pour toi? Donc voilà. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu es le deuxième médecin. La bonne, il y a très exactement 17 vainqueurs. La mauvaise, la première partie était relativement courte. Voilà, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu comment tourne la machine. J'ai détecté qu'il y avait 10 000 les amis. C'était l'original. Donc voilà, ouais, c'était l'original. Ouais. Puis comme il avait tué quelqu'un la première nuit, du coup, bah, il n'y avait que lui. Et du coup, voilà, il n'y avait aucune solution pour se sortir du piège. On n'aurait jamais été. Oh, tu t'es cramé. Personne n'a tué les enfants. C'est moi. Non mais Nao, ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est que ça permet à tout le monde de faire un tour de chauffe, de voir comment ça marche le jeu. Et maintenant, on peut se lancer dans une vraie partie. Ça, c'était vachement bien comme idée. Et puis surtout, il y en a une autre. Merci, c'est Emeline. Parce qu'elle leur a dansé la tête en fait, elle va pouvoir jouer. Enfin, voilà, pour tous ceux qui veulent rejouer, on va remettre le couvert tout de suite. C'était qui le deuxième médecin? Alors, le deuxième médecin, c'était Rose. À la première nuit, t'appelles pas l'informaticien parce que tu sais que t'as soit un, soit deux. Donc, Bon, mais c'est bien ton jeu, Nico. Non, mais une demi-heure pour ça, ça va. Voilà. Alors, ça, c'est du concept de jeu américain, d'accord? C'est 45 minutes d'explication, 3 minutes de jeu. Essayez de penser aux gens qui vont écouter l'enregistrement en bordel. Quoi. Ça dure une demi-heure, ils s'en souviennent. Après, c'est vrai que là, c'est un poil moche. Bah 35 minutes d'enregistrement. On joue avec les mêmes, tout le monde rejoue. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous ce jeu? Bonjour. Ah oui, qui a voté pour moi d'ailleurs? Juste pour savoir. Non. La trahison ultime. C'est ça. Je suis seul à voter pour le chef. Blague. Moi j'ai voté pour Dao. Ah, c'est qui pour moi? Non, bah ouais. Non, en vrai, au début, c'est elle qui avait voté pour le type au micro. Mais je le dis parce que je peux balancer, il est pas rancunier. Je le connais bien, c'est plutôt un mec chouette. Hein. Bon, il a son micro tout le temps. Il est un peu bizarre. Voilà. Si t'enlèves ce petit détail, le reste, c'est... ça va. Il est à son 47e sport dans un Glouce Festival. Vous êtes un des trois qui a le plus joué à ce jeu. Allez. On va y retourner. Je me tue à moi-même, je me dis que c'est du buisson quand même. Je ne veux pas être mutant, c'est le buisson. Moi je me dis que c'est du buisson. C'est plus difficile que c'est du buisson. Bonjour, chérie, ça va mieux. Ok, moi je suis pas mal. Nao et Emily, vous faites stratégie. Ouais, bah la moche là, je l'avais fait pour un jeu. Après, si je suis mutant, je saurais qu'il n'y a pas d'autre buisson. Mais j'ai un buisson. Ouais, c'est vrai que tu roules le temps, tu peux te faire mutant. Tu vois, même si je savais que tu allais être mais le premier tour, c'est ça. Je suis un petit produit spécial. Ah ouais? Il était clair. Pourquoi? Bah parce que c'était vraiment le garou. C'est un dérive. Et premier tour, pour moi, c'est courage de jouer avec Soleil et tout le monde. Et Soleil, le premier a été le garou. Il fait voilà, ça va. Il me pointe du doigt. Du coup, tous les logos me pointent du doigt aussi. Dès que t'as un petit peu de temps, il a fait le bonheur. C'est pas tout le monde qui suit. T'es buté. J'aurais pas de buté. Je retrouve le deuxième médecin, j'avais perdu. Tu vas pas jouer longtemps ce tour-ci, hein, bon. On te nomme capitaine. Merci. On est pendant. On garde le même capitaine. Non, c'est un nouveau vaisseau là, tu pars. C'est un nouveau vaisseau, le dernier il s'est craché lamentablement. Il y a 17 survivants. Alors personne n'a changé de place, je peux enchaîner tranquillou le tour. Ouais. Ok. Papier. Allez, papier biteux. Donc Cushion. C'est qui le Cushion? Et le chef, c'est toujours pareil le chef? Eh non. Non, c'est un nouveau vaisseau du coup. On se connaît pas. T'as mis des nouveaux personnages? Non, j'ai rien touché. Il y a juste, j'avais dit tout à l'heure, ceux qui ont des noms bizarres, en fait, c'est des astronautes. Ok, mais c'est un astronaute, quoi. Donc, le hacker, c'est un astronaute, quoi. C'est quoi le hacker, en fait? C'est un gars qui vole l'information à l'informaticien. Une sorte de paysagiste. C'est quoi? De l'espace. On fait l'intérieur du vaisseau. Il y a le jardinier, il faut le paysagiste. Voilà. Je viens, c'est ça. Qu'est-ce que faire? Pépinerie, paysan aussi. L'informaticien, il sait que tous les nuits, combien il y a de gens. J'ai voté les gens, moi. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus de dire. Oui, il a le droit de le dire. Là, j'ai voté le gars. Je débat aussi. Nuit, enfin, journée, une. Je pouvais pas. Bah, normal, oui, il était. Non. La nuit 2, il s'est dit. C'est le jeu. Franchement, le. Par contre, le mutant original, il était trop bien. Et il a qu'à laisser faire. Tu sais bien passé. Mais t'as voyé le truc pour se poser la tête. T'as vu son rat? Ah, j'ai tout vu. Arrête de faire le coup. Allez. Quelqu'un a voté pour moi. C'est toi? Non. Tout le monde, Jérémy, c'est moi qui ai voté. Non, mais c'est bon, toi, non. Il y a la trahison dans nos rangs. Sérieux? Je t'ai trouvé bizarre. Ça veut dire plus que d'habitude. Ok, alors vous connaissez le protocole, il faut aller chercher, on ne fait pas tout le sketch. Les candidats, ils lèvent la main, ils font leur petite phrase et puis on y va. Tu es reparti Aurélien, c'est ça? Moi, je vais la main. Les candidats avec toujours autant d'arguments. Ouais. Ouais, ok, super. J'ai mes arguments sur le comptable, t'inquiète pas. Ah, donc tu veux les donner maintenant? Ouais. C'est un discours. Une phrase. T'as droit qu'à une phrase, hein. Vas-y. C'est notre plaisir. Ok. Parce que c'est notre vaisseau. I have a dream. Last night. Le vaisseau, il faut le dire. Eh. Quand même. Ah, mais on rejoint les idées. C'est une variante, ça peut ça à Kevin. Visiblement, il y en a qui n'ont pas assez à vous faire. Vas-y, faut faire la bagarre. Pour faire la bagarre. Je vais essayer d'être le plus juste possible. C'est bon. Plus de jardin. Kevin. Naomi. Emeline. Ambre. Et Marie. Moi je dis il faut donner le micro au chef. Alors, qui vote pour Aurélien? Ouais. On a le train, on a la confiance, on a vu ce que ça va dire. 2, 3, 4, 5. Julien. Qui vote pour Julien? Ah ouais, j'ai dit c'est bien, j'aime bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 7, même 7. 7. J'ai compté 7. Relevez la main, il y a du bourrage d'urne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, oh la vache, est-ce qu'on pourrait encore plus la deuxième fois? Ah mais si, mais moi il veut pas que je sois... Moi, Kevin, je vote pour toi. Moi je vote pour qui? Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, putain les écolos pourraient être élus après. J'admirerai... Naomi. De quoi? Non, là c'est pas pour le buter, hein, je précise. C'est vrai qu'il peut être trop dur. 2... C'est vraiment bizarre. Ouais, je crois que la confiance, ça va être long à regagner. Neuf. Emeline. Qui vote pour Emeline? Elle vote pour elle. 3. 4. Ambre. Trop déçu là. Bon. C'est pas encore fini. 1, 2, 3, 4. Elle a tous la main. 5. Jamais de la vie. 5. On va peut-être devenir ami. Marie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah, je crois que c'est le paysagiste. Hein. J'ai monté mon entreprise, on y va. Auto-entrepreneur. Il a fait une start-up. Donc, Kevin est notre nouveau chef. Bon, maintenant, vous connaissez le principe à la première nuit. Je n'explique pas tout. On va faire direct dodo. Tout le monde ferme les yeux. C'est très dommage. Tout le monde ferme les yeux, tout le monde ferme les yeux, même tous ceux qui ont moins de 12 ans. Alors, et on garde bien les yeux fermés. J'ai 13 ans. Oh là la menteuse. Alors, je réveille le mutant originel. Le mutant originel va me désigner la personne qu'il souhaite paralyser cette nuit. Celle qui n'aura plus ses pouvoirs, qui ne pourra pas se réveiller quand je l'appellerai plus tard. Le mutant originel va me désigner la personne qu'il souhaite tuer ou transformer. Ok. Le mutant originel a fait son choix. C'était assez rapide. Je vais faire un petit tour pour toucher le sommet du crâne de la personne paralysée. Donc le mutant originel peut s'endormir. La personne paralysée. Je rappelle le thème du tour. Je vais faire un deuxième tour pour la personne qui aurait été éventuellement butée. Il tourne. Et un troisième tour éventuellement pour quelqu'un qui se serait fait buter. C'est presque comme avant, mais. C'est pas la même durée de vie raccourcie quand même. Paralysé. La prise de judo. Je réveille maintenant, et uniquement eux, les médecins. Les médecins se réveillent, ils peuvent éventuellement se reconnaître entre eux et vont me désigner une personne qu'ils souhaitent soigner. Les médecins se rendorment. Je fais mon petit tour pour toucher la tête de ceux qui ont été soignés, si tant est qu'ils fussent malades. Je fais mon petit tour. Et je réveille maintenant l'informaticien. L'informaticienne, à qui j'indique le nombre de mutants actuellement dans la partie. L'informaticien se rendort. Et là, j'allais dire le jour se lève, mais les néons se rallument. Ouais, tout le monde se réveille. Mais je suis super bien le néon. Ah, c'est des années d'entraînement, j'ai fait des stages. Ce stade vert. Donc, paralysé, bah, j'ai rien à vous dire. Mort, j'ai rien à vous dire. Muté, j'ai rien à vous dire. Par contre, vous avez peut-être des trucs à vous dire. Donc, voilà, vous pouvez aller papoter entre vous. Donc du coup, voilà, vous pouvez les quatre figures qui peuvent avoir lieu, hein, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est soit il y a quelqu'un qui a été muté et soigné, soit il y a quelqu'un qui a été muté et pas soigné. Voilà, ça c'est les quatre figures possibles. Maintenant, je vous laisse papoter entre vous et venir voter. Bon. Et n'oubliez jamais que vos meilleurs amis sont vos pires ennemis. Mais... à mon avis, pour les premières parties, il faut faire blanc. Non. Non. C'est ce qu'il disait, moi. J'ai joué que l'an dernier, mais... Je pense que c'est ce que je vais faire, mais si t'as pas d'infos, moi j'en ai pas non plus, il n'y a pas eu de. Je sais pas, on a le droit. À 4. Ouais, moi j'arrive là-bas. Moi c'est dur, hein, moi j'ai des. En fait, moi j'ai. Il s'est passé un truc. C'est incroyable, je peux deviner qui c'est. Vous avez entendu quelque chose ou pas du coup? Non, pas trop. Non. C'est ta mère. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben. Là-haut! Mais nous, on est quatre. Non, mais c'est pour. C'est ma main. Mais tu sais, elle relance ses ongles et elle est tout le temps, elle est stressée. Et elle a demandé à tout le monde si elle avait été butée. Ok, on va te prendre ma main. C'est quoi son nom? C'est Rose. Ok. Ah, vous êtes quatre là. Non, tous les enfants ont voté pour Rose. Parce qu'apparemment, on a dit ouais, je suis muté. Ouais. Ils sont tous types. Ils sont pour éliminer, attends. Ok. C'est pas censé le balancer comme ça, je comprends pas. Non. Faut aller voter. Oui. Faut aller voter. Ouais, mais je partage les infos. Voter. Oui, il y a peut-être une autre. C'est pour ça que tu lances une info, toi. Pas mal, ta stratégie. Non, mais c'est bien, le deuxième. Non, pas lui. Ah, j'ai pour l'acheter ta private. T'as voté quoi, je suis derrière. Non, mais il faut des Suisses. Blanc. Il faut des Suisses. Moi, j'aurais tout misé sur le rouge. Le rouge. Le rouge ou... Tant que c'est pas l'absentéisme, ça va. Oh, par honte. Oui. Enfin, non. Et pourquoi, enfin, je sais pas. Et pourquoi avant le vote, il n'y a pas le programme de Jean-Luc Mélenchon qui débarque? J'ai fait un premier tour classique. J'enregistre pour une émission. Un truc, un peu un podcast que je fais. Ah ouais. Qui revient sur les événements comme ça. Et puis, d'accord. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle quoi qui se passe? D'accord. Après, tu m'envoies à Gabi ou à Nico. Oui, de toute façon, je renverrai ça sur la Twitter. Sur lequel? D'accord. Sur les projets? Ouais, sur les projets, je pense. Ah, ça y est, il y a le mariage qui arrive. Le mariage. Mesdames et messieurs, oh là là. Les votes ont été pour le moins étonnants. Il y a... Mais ils ont été, c'est déjà pas mal. Stéphane. Stéphane. Ah, il y a deux Stéphane. Ah, Stéphane. Stéphane, une voix. Jérém, 2, attaque direct. Doudou, Rose, 6. Jardinier, ils aiment pas ça. 6. Rose, t'as un petit fan club. Il envoie du bois. Heureusement pour toi, blanc, 9. Donc, pas de victime cette nuit, pas de victime ce jour. Ok. Ça peut durer longtemps, d'accord. Alors, on va enchaîner. On va se rendormir. Tout le monde se rendort. Bah voilà, journée, on a enquêté. On a décidé d'éliminer personne. Bon, bah voilà. Tout le monde ferme les yeux. Et là, j'appelle le ou les mutants. Le ou les mutants me désigne la personne qu'il souhaite paralyser cette nuit, la personne qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs pendant un tour. Le ou les mutants me désigne la personne qu'ils veulent muter ou buter. Les mutants se sont décidés. Les mutants se rendorment. Je vais faire mon petit tour paralysie. Attention, on suit. Là, c'est la personne qui est paralysée qui, si elle a des pouvoirs, ne pourra pas les utiliser ce jour. Je fais un deuxième tour pour quelqu'un qui aurait éventuellement été muté. Pas buté, muté. Attention, les dyslexiques, on se concentre. Oh merde. Et je fais un troisième tour pour la personne qui aurait éventuellement, qui se serait éventuellement fait buter. Je me balade. Bien. Sur ce, je vais maintenant réveiller le ou les médecins. Le ou les médecins me désignent une personne qu'ils souhaiteraient éventuellement soigner. Je fais mon petit tour de table et je tripote le sommet du crâne des personnes qui ont été soignées, si tant est qu'elles fussent malades. Je tournicote. J'ai presque fini de tournicoter. Je tournicote. Ça va, Zébulon ? Tournicotant. Je réveille maintenant l'informaticien à qui j'indique le nombre de mutants présents dans la partie. L'informaticien s'endort et tout le monde se réveille. dans la joie et la bonne humeur. Bon, je vous refais pas le néant, parce que faut pas s'habituer trop aux bonnes choses quand même. Voilà, donc je n'ai pas de nouvelle mortuaire à vous annoncer. Le ou la paralysé, c'est qu'elle l'est. Le ou la muté, c'est qu'elle l'est. Le ou la soigné, savent qu'ils le sont. Vous pouvez maintenant papoter, 3 minutes, pas plus de 4 par groupe, et on vient voter. Vous connaissez la musique, on y retourne. Le paralysé, il a le droit de dire qu'il a été paralysé ? Bah n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi, en fait. Je suis mutant. Personne n'est obligé de le croire. Quand on est paralysé, en fait, on ne peut pas appliquer son pouvoir. Si les mutants paralysent un médecin, bah, le médecin ne surveille pas. D'accord, en fait. Du coup, des infos sur cette nuit. J'aime pas jouer, moi j'aime bien masteriser. Il y a des personnes qui restent assises là peut-être, mais à part ça, ça. Oui, tu disais premier tour. En premier temps, tous les enfants ont voté pour Rose. Tous les enfants ont voté pour Rose. Ah, oui, c'est vrai. Je sais pas, moi quand je suis allé voir de l'autre côté, tout le monde en premier tour, je suis allé voir le capitaine, il m'a dit qu'il y avait eu du mouvement autour de lui, qu'il s'était passé quelque chose à côté de lui. Il y avait eu une victime de son côté. Ouais. Capitaine, c'est Kevin. Ouais, quand je suis allé voir Kevin, il m'a dit qu'il avait entendu du bruit, qu'il avait probablement. Je jure, c'est pas moi. Il vous faut les traps. Bonjour, c'est pas moi. Voilà. C'est un vrai micro ? Oui. Ça enregistre ? Ça enregistre, oui. C'est pas suffisant, Rose, ça, pour convaincre. Du coup, des infos sur ce qui s'est passé cette nuit ? Oh non, moi j'ai rien. Attention, le vote est absolument confidentiel. Ça fait quoi ? Parce que nous, c'est pareil, de côté. C'est vrai qu'il se passe rien en fait, donc. En tout cas, ceux qui sont à. Peut-être que le mutant il sait jouer en tout cas. Hein ? Ouais, je dis que c'est quand même qui sait jouer. Hein. On est habitué. Okay. Oui, sacrifice des fois ça peut se faire. Le chemin il est bouché. Casse-toi, sortez, monsieur. C'est marqué là. Non, mais moi je vais aller voter. Je veux voter. Moi aussi je veux voter. Je vote Félina, tête du tigre. Voilà. Non. Mais non, mais tête de chez Yves. Ok. La mer noire. Monsieur, non. La mer noire. C'est votre capitaine. Non, mais pourquoi il est gentil? C'est parce que j'ai un t-shirt. C'est rituel. La première information d'importance que j'ai, c'est qu'il y a en tout et pour tout deux votes blancs. Voilà, ah merde! Donc il va y avoir des morts. On a une interférence cosmique. Ça déconne de toi. Bien, donc je disais deux votes blancs. Non, d'ailleurs, c'est une surestimation. C'était marrant. Ça. Ouais, selon la police. Julien, et où Julien? Derrière. Derrière? Bon, il n'y a qu'une voix pour toi, ça va. Bah ouais. Tu en as une, mais il n'y en a qu'une. C'est pareil pour Marie, pour Arceau et pour Jérémy. D'accord, tout ce monde-là, une voix. Okay. Jérémy, il a des fidèles. Comme ça, ils sont pas nombreux, mais ils sont très fidèles. C'est la valeur refuge. Après, ça tape un peu. Alors j'en ai deux à Là, j'en ai un à deux. Bon, c'est peut-être la jalousie, le chef. Deux. Voilà. Il respecte même pas la hiérarchie, quoi. Non, c'est... pas trop, non. Non, mais il y a toujours un petit pourcentage de révolutionnaires communistes. C'est un tout petit pourcentage, je suis d'accord. Rose Azertoff, match nul. Ah. Trois chacun. Ah, merde. Enfin, ça, ouf, pas encore, parce que ça peut vouloir dire que le chef décide entre vous deux. Non, mais il y a quelqu'un encore d'autre. Non, bon, en l'occurrence, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, il y a quelqu'un d'autre. Là, je peux commencer à me balader comme ça. Ça met une pression de dingue, j'adore. Mais c'est pas du tout par ici, c'est de l'autre côté, ça. Ouais, c'est pas mais c'est pas ah oui, ils étaient tranquilles, ils se barrent par là. Ils écoutaient le truc. Ah, t'as rien fait du tout, non? Non. Ah, par contre, les autres. Il était lourd. Ah, ouais, quand même, 5. Ils ont tué mon jardin. 5, ouais. Donc, c'est le maximum, là? Ah, oui. Il y a pas pire. Ah, bah non, là, je relis ma fiche, il y a pas mieux. C'est Jérémy. C'est bon pour toi, ça va, tu vois. Ah, oui, j'avais pas la famille, Jérémy. Oui, oui, c'est ça. Bon, Camille, je suis désolé, mais. Si vous avez tué un astronaute, les gars, ce soir, il n'y a pas de dîner. C'est un mutant. Vous voulez le savoir ou pas? Ouais. Bah oui. Et oui. À mon avis, c'est un mutant. À ton avis, c'est un mutant? Bon, c'est possible. Si à la fausse, c'est le mutant. C'était le mutant. C'est pas un mutant, c'est le mutant. C'était le premier. Ouais. Donc, ça y est, il est pas alors non, la partie n'est pas finie parce qu'il reste d'autres mutants. Ah bah oui. Un nombre indéterminé, mais il y a toujours des mutants qui peuvent toujours contaminer, qui peuvent. D'accord. Donc la partie n'est pas du tout terminée. Ah, c'est bien vu quand même. Comment on a vu. Donc on passe. C'est la faute à Jérémy tout ça. C'est-à-dire tout le monde de voter pour moi. Vengeance. Même Lucie vient la voter contre toi. On passe en mode nuit. Tout le monde s'endort. Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde dort, tout le monde dort, tout le monde dort. Les mutants se réveillent. À partir de maintenant, je donne un principe, je dirais toujours les. D'accord ? Vache. Les mutants me désignent la personne qu'ils souhaitent paralyser cette nuit. Donc la personne qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs si elle en a. Les mutants me désignent la personne qu'ils souhaitent tuer ou muter cette nuit. Les mutants se rendorment. Je fais mon petit tour paralysie. Tout le monde a bien suivi, celui qui ne pourra pas, ou celle qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs s'il en a durant la nuit prochaine. Je fais ensuite mon tour mutation. Tour mutation, tour mutation, tour mutation, tour mutation. Et je fais enfin mon tour mort. Trop tout le monde se dit non. Parce que j'ai senti c'était une guêpe, c'était pas un doigt. Où ça? Pas de mauvaise interprétation. J'insiste. Il n'y avait aucune arrière-pensée. Rien que le fait de le dire, c'en est une en soi. Donc, maintenant, je réveille le, la, les médecins. Le, la, les médecins me désignent des personnes qu'ils souhaitent éventuellement soigner. Le médecin se rendorme. Je fais mon petit tour dans l'autre sens pour une fois. Ah, quand même, il faut changer la route. Hein, on va se laisser avoir par une route d'habitude. Je fais mon petit tour et j'indique à la personne touchée qu'elle a été soignée, si tant est qu'elle fût malade. Je réveille maintenant l'informaticien ou l'informaticienne à qui j'indique combien il y a de mutants à l'heure actuelle dans le vaisseau. L'informaticien ou l'informaticienne se rendort. Oh, pardon. Et le néon s'allume dans le petit vaisseau de je sais pas où. Donc, j'ai pas de nouvelles spécialement mortuaire. D'accord. Donc, voilà, je vous invite à aller papoter entre vous. Hein, pour le moment, il semblerait qu'il y ait plutôt une légère tendance à la mutation. Donc, voilà, vous pouvez aller discuter, comme tout à l'heure. Au bout d'un moment, vous venez, vous votez, etc. etc. D'accord. Allez, go. T'as entendu quelque chose ? Non, je trouve ça hyper, hyper compliqué. Je calculais là, on est à combien de mutants là, à votre avis ? Bah, c'est eu un par tour. Parce que là, on a fait deux, trois nuits. Oui. On a c'est la troisième nuit. La troisième nuit. Donc, on a potentiellement. On a perdu un mutant. Non, on a perdu l'original. L'original. Il est mort. Donc, il y en avait trois, et il en reste trois. Bah, pas forcément. Mais chaque mutant peut potentiellement muter d'autres personnes. Hein ? J'ai une stratégie. Ah, c'est personne. Choix collectif ? Non, c'est chaque mutant mute. La personne. Ou c'est collectif ? Je sais plus. Non, c'est que un. C'est une élection, non ? Ils choisissent une personne. Ils choisissent une personne. Donc, il y en a maximum trois. C'est vachement courant. Toi quand même. Non, à mon avis, il y en a trois. Je suis très stratégique. Et il y a une stratégie imparable. C'est que si j'étais mutant, je muterais le chef. Pourquoi ? Les décisions vont être prises, elles sont prises plus pour le camp des mutants. Moi, je vais voter. En général, c'est le chef, il meurt tout le temps au début. En fait. C'est pour ça. C'est la mauvaise place. Excusez-moi, mais au deuxième tour, on a un petit peu de mutant. L'informaticien, on l'a repéré ou pas ? C'est vrai. Non. Le chef est quand même relativement... C'est l'informaticien qui a dit. Kevin, il a dit qu'il avait été paralysé le premier parti. Ouais. Avec toi, tu peux pas. Si j'ai réussi à convaincre des personnes, voter ces personnes. Ça, on sait pas. Heureusement que t'as la créature qui va président. Non, c'est foutu, là. Ah ouais? Mais moi je vote pas là. Blanc. Tu vois le mec qui sait quoi. Quelle force. Ah oui, attends. Ceux qui sont perspicaces. Et ceux qui. Merci qui réparent. La perspicacité. C'est une mauvaise idée. J'ai une bonne intuition en général. T'as eu des infos du côté de là-bas ? Ouais. Moi, j'ai très stratégique. C'est que si elle était mutante, elle aurait mis le chef avec elle. Ce qui est une solution, mais... Ouais. Bah, en même temps, sais que d'habitude le chef c'est buté relativement oui. C'est focus. Oui, c'est, pour c'est pas forcément une bonne stratégie oui. de le muter parce qu'il s'est buté par les autres. Donc vu que c'était qu'un mec expérimenté, qui était un peu original, oui. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr. Oui. Mais oui. Ok. Ah oui. Bah... c'est pour toi, donc quoi tu veux parce que... Non, moi je vais trop dans la réaction. Ah oui, au début, pour lancer la partie. Ah d'accord. C'est bon, tout le monde a voté ? C'est bon, on sort mon jeton déjà. Ok. On part confiance au chef. Alors. C'est le métier à risque. Il y a des petites doutes. Hein. Kevin, le chef. Deux. Tout comme Ambre. Azertov et Stéphane, un chacun, pris de gros. Hein. Rose, stable. Stable, 3 encore. Il y a un petit groupe qui est dans le collimateur. Faudrait pas que ça augmente de trop. Le moins de 2 ans. Un ou deux de plus, ça déblaye là. Et j'en ai 2 à 4. Ah, je vais en faire servir. Ouais. Oh là là. Et ce qui est moche, c'est que tu vas devoir départager blanc, à savoir ne tuer personne. Ah non, non, là, il saute direct. Sauf si c'est une personne. Ça dépend laquelle, mais... Genre ta belle-sœur ? Ah non, blanc. Même si j'ai un doute sur elle. Donc voilà, donc Émilie n'est pas morte. Mais Michel, les liens du sang, c'est quand même quelque chose de très très fort. Hein. Il a trop peur de son frère. Ah, apparemment, t'as les 4 là, ils tombent. Quoi ? Ah non, pourquoi t'as plus ça ? T'as eu 4 votes, il y en a 4, ils disent mais non. Il y a des gens, oui, effectivement. Comment il y a des fois, on peut avoir 4 votes et pour autant, l'ensemble des 4 votes à moins de 30 ans, quoi. En additionnant tous les votes. Oui, il peut choisir blanc. Ah ouais, il a une wifi. Il choisit entre blanc et machin, il départage les votes ex-aequo. Voilà. C'est l'intuition féminine. Donc il n'y a pas de victime cette nuit. Il voulait pas avoir non, ce jour, pardon. Pas ce néon. Ok. Tu veux tuer quelqu'un ? Ah ouais, fais gaffe. Bien. Mais je vais te dire pour qui voter au prochain tour, d'accord ? Et tu me suis. Tu vas voir, on va tuer quelqu'un ensemble. Le chef. C'est trop bien. En plus, elle a dit que c'était pour la bagarre. Bon, les discussions partisanes, stop. Hein, on va faire la nuit, sinon on s'en sort pas là. Si vous me faites un mort tous les deux tours, je pense que demain matin à l'apéro. Allez, tout le monde s'endort. Ah, la partie d'avant était rapide, hein, il fallait bien qu'on équilibre un peu. Premier tour. Tout le monde s'endort, tout le monde s'endort, tout le monde ferme les yeux. Ah non, on continue jusqu'à ce que la partie soit complètement terminée, que soit les mutants aient gagné ou que soit les astronautes aient gagné. Allez, donc tout le monde ferme les yeux et je réveille. Chut, doucement les enfants. Je réveille les mutants. Qui me désigne la personne qu'ils souhaitent paralyser. Je me désigne maintenant la personne qu'il souhaite muter ou buter. Ok. Ça marche. Juste un truc. Je réveille vite fait les mutants. La personne paralysée. j'avais un doute. Ok. Je fais mon petit tour paralysie. Petit tour paralysie, tout le monde garde bien les yeux fermés. Je fais mon petit tour mutation. Et je vais enchaîner directement sur mon petit tour mutation. Ah oui, j'essaye de varier un petit peu le plaisir. Je fais deux tours à tout, je crois. Je l'ai fait en courant la prochaine. Je réveille maintenant le ou les médecins. Le ou les médecins qui vont désigner la personne qu'ils souhaitent éventuellement soigner. Les médecins se rendorment et je vais faire mon petit tour soignage de la personne qui tentait que la personne fût infectée. Je réveille maintenant l'informaticien. Je lui demande le nombre de mutants présents à bord du vaisseau. L'informaticien se rendort et tout le monde se réveille. Une fois n'est pas coutume, une petite rubrique nécrologie. C'est de la nécro qui culmine quand même à un bon 1m80. Donc les enfants, ça va, c'est plutôt peinard. C'est de la nécro qui est peut-être avant d'ailleurs rédiger les pages de nécrologie ou les enregistrer. Non, faut que je retrouve mon pion. Faut qu'il retrouve son pion. À force de perdre la tête, on sait plus trop bien qui on est. C'était un médecin. Ce qui constitue quand même relativement une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ne sont pas mutants et une très bonne pour les autres. Voilà, c'est tout. Vous connaissez maintenant le principe, hein. Il y a les paralysés, les machins, les bidules. Vous avez votre petit moment pour papoter, et puis on vote. Mais dans le vaisseau, il n'y a pas de problème. Non, c'est trop tard. C'est un virus, il est un peu pédos. Ah, d'accord. Mais si tu dis ça, ils vont comprendre. Ils s'en foutent, les capitaines, ils peuvent. Ah oui, c'est vrai. Il est capitaine. Il y a le capitaine qui drague les enfants. C'est la garde rapprochée, ok. Alors il était scout, hein, mais. Ça va, j'ai pas votre livret de naissance. Jamais que les enfants. Oh, on fait des blagues. Hein. C'est bien qu'on l'informaticien. Regardez près du tour. Moi, oui, mais. Le beau jeu, tu vois. Attention, mettre le beau jeu. Non, on le fait pas passer pied. Et bim. Non, mais non, mais c'est bien. Éteinte le beau jeu, tu sais. Éteinte la belle. Il faut jouer comme ça. Mais j'ai pas le droit de lui dire. Moi je suis mort. Moi c'est bon, je suis mort. Faut que sur les gars qui sont pas là. Je vais passer à Stéphane, mais celui-là noir, celui-là qui est Axile. Bah moi aussi j'ai des... Je t'avoue que j'ai des... Et ces trois enfants me suivent. Ah donc, ah ouais. Donc franchement, si je me trompe, voilà. Bah, le fin, mais ouais, moi je... Bon, bah, écoutez, on est déjà 4. Enfin non, moi je suis une petite réunion après si vous voulez. Je suis par principe. Honnêtement, voilà. Bon, on verra bien. Allez. C'est bon ? Non, non, c'est que... Ouais, vous voulez... Ah, je sors du cercle. Oui. Je sors du cercle. Ça fait un peu genre qu'il va dans un bar un peu... Oh, là, quoi. Je sors du cercle. Pas forcément, mais... Ah bah du coup, je vais pouvoir manger mes chips. Je vais pouvoir manger mes chips. C'est tout ce que ça fait quand on dit qu'on va manger des chips. Attends, il a fallu que je meure pour manger mes chips. Eh oui, c'est bien. C'était quoi ce film? Mais attends. Bon, d'accord, on va monter. Il y en a deux, je sais. Le mort, il mange. Il a le droit. À du moment que tu ne pas, il a le droit. C'est vrai qu'il veut nous dire quelque chose en mangeant ses chips. Ça a une signification. Un coup pour oui, deux coups pour non. Une chips pour oui et deux chips pour non. T'as pas marre de dire oui, mais je savoure. T'avais aucun pouvoir, toi. Si, j'étais médecin. Non, mais ah, ah bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce qu'il y a une confusion. Ah, il va y avoir des règlements de compte. Non, non, non. Près du règlement de compte. Crier ! Ça va péter ! Si je suis gentil, vous remercierez. Si je suis méchant, eh ben, je vous remercierai. Tu retourneras faire des crêpes. Les gars, fais l'armée. Non, non, j'ai confiance. Alors, tu me demandes, c'est quoi ce revirement là ? Mon épée. La révolution à voter. Oui, allez, si on a gagné. Bon, on va aller sur le côté anecdotique tout de suite. Dans l'anecdotique, Kevin 1, Rose 2. De moins en moins de supporters. Il y a peut-être pour signe, mais par contre, des vrais fidèles. Marie 1, Arsto 1. Par contre, Stéphane 11. À 2. Et il y en a un des deux, du coup, il y en a un de plus. C'est marrant ça. Ah oui. Donc les deux Stéphane, à eux deux, ils ont 11 voix. Il y en a un qui a 6, un qui a 5. Alors, bon, je balance, on arrête le suspense. C'est pas toi. Ah, c'est moi. Ah, bah, du coup, oui. Ça veut dire que c'est le prochain, quoi. En tout cas, le Stéphane, le Stéphane en noir, il a 6 votes. Je regarde bien. Ah, vous éliminez un innocent. Bah, un astronaute, quoi. Ah, bah, c'est bête. Voilà. Ah, bah, il a des lignes. Il nous manquera pas. Il m'avait l'air louche. Bon. Dans le doute, on le bute, hein. Ah mais il nous a retrouvé éparpillé face à un point d'arrivée. Ok, est-ce que les est-ce non, attends, parce qu'il est astronaute, mais s'il a été muté. On le sait ou pas? Est-ce qu'on le sait? Oui. Je le dis. Ah d'accord, donc c'est un innocent, innocent quoi. C'est un innocent, pas les mêmes blagues. Voilà, vous avez compris hein, le principe au capitaine, mon capitaine, ça marche pas toujours. Il peut y avoir des ratés. Il peut y avoir des ratés. Mutinerie. Très grave, ça va, il y en a encore 17. T'es pas tant que ça. Non, c'est une mutinerie. Bien sur ce, messieurs, dames, hein, parce qu'on va quand même pas y passer la nuit, tout le monde s'endort. Elle s'est trompée de Stéphane. Ah, il peut y avoir un capitaine véreux. Hein. Mais oui, je suis trompée de Stéphane. C'est la nuit. Dans le doute, on nous. Normal. Alors ce soir, à la maison, ça va sniper quelque chose de bien. Ah, t'as voté pour elle, pourquoi tu votes contre moi, mais t'as voté pour les gosses. Ouais, mais en même temps, deux Stéphane, ça perturbait. Maintenant, c'est plus clair. Allez, tout le monde s'endort. Tout le monde s'endort. Oui, maintenant, au moins, les Stéphane, la prochaine fois, s'il est en voix, on saura lequel c'est, quoi. Tout le monde s'endort, tout le monde ferme les yeux. Allez, les enfants. Allez, on réveille le ou les mutants. Le ou les mutants me désigne la personne qui souhaite paralyser cette nuit, la personne qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs. La personne qu'il souhaite paralyser ou tuer. C'est muter ou buter. J'ai pas dit ça ? Buter ou buter. On l'a refait. Ok, très bien. C'est fait. Je fais mon petit tour. Paralysie. Ah, vous connaissez le rituel, hein. Je vais accélérer un petit peu. Hop. Mon petit tour, paralysie. Mon petit tour. Mutation. Et mon petit tour d'essai. C'est moins cool quand c'est même. C'est marrant ça le tour d'essai, hein. Ça a un petit côté Formule 1 comme ça au jeu. Sur ce, je réveille le ou les mutants. Médecin, pardon. Commence à être tard. Médecin. Le ou les médecins me désigne une personne qui souhaite éventuellement soigner. Le ou les médecins se rendorment. Je fais mon petit tour soignage. Tant est évidemment que la victime fut malade. Et j'appelle maintenant l'informaticien ou l'informaticienne. Je lui indique le nombre de mutants dans le vaisseau. Et l'informaticien ou l'informaticienne se réveille, se rendort ainsi que tout le monde qui se réveille. Oula, ça tangle là, dans le vaisseau, la unité centrale elle déconne un peu. Bah écoutez, ça devient une petite tradition, rubrique nécrologique matinale. Ah, la négro. Voilà. Alors vraisemblablement, il y a eu quelque chose, une espèce d'attentat aux alliances familiales. Donc les morts, c'est des gens qui sont en famille, déjà j'annonce. Ou le mort. Ça va ? Ouais, ça va. La forme ? Tu l'avais fait comment cette nuit ? Ça va, impeccable. Ouais, ouais. Tu viens dormi. Après tout, t'as fait ce que t'as pu. Hein. Tu l'as sauvé tout à l'heure. Ouais. Cette fois, on n'a pas réussi, elle est morte. C'est pour rien. Merci. Alors, Kevin. Désolé pour ta belle sœur. Ouais, c'est la vie. Bah, maintenant, vous pouvez aller papoter. Alors, évidemment, pas les morts. Ah, pardon. Alors, Emily n'était pas mutante, mais c'était notre. Sa vie d'astronaute, elle a été mutante ou pas? Ah, ça, vous le saurez au débriefing. Ah. Alors, je vous dis où il est au moment où il est. Je ne vais pas commencer à raconter l'histoire de chacun en avant un peu d'affinité. Je suis un gars. Un petit débrief. C'est un message au cul. Vendredi, il s'appelait Jean Michel. Ah ouais, oh, c'est un joli nom. Oh, c'est un joli nom. Jeune quelque chose. Donc c'est pas Marie, ça. Je remets au bout de bonjour, Marie, je réponds. Jean-Marie. Directement. Je trouve que c'est un très joli nom. Il est porté que par des grandes personnes. On n'est pas à l'aide avec ça. Des personnes qui ont besoin d'humanité. C'est vraiment blague ça, c'est l'anneau là. Ah, tu connais pas. Quand c'est Gautrin qui a la paire de l'anneau, le super donut. Et qui piège pas Majin Buu, le Buu du Christo quoi. Il y a Majin Buu, le Majin Buu, il... C'est... Bah ouais, non, mais le chef... Le chef... Le chef, et il glisse, il y a Discord. Discord. Une graine de haine dans le cœur des gens. Ah ouais. C'est une graine de château fort. La brochette château. Moi, là, c'est bon, c'est ça. Je pense pas. C'est un caca de... Tu vis de faire ça, c'est pas ta compris. Je ne vous remettrai jamais de l'affect. C'est par la police. C'est ça, je suis resté là. Je dis comme ça. Dans les jeux du samedi soir à Podren, on a fait des montées tout le temps. Ah ouais? En film en emoji, donc on avait pris des emojis, donc du coup t'avais un lapin, t'avais une canard, t'avais un château, t'avais... Non, t'avais un drapeau français, une vache. Vous vous rappelez la voiture de flic. Ah, j'avais trouvé ça qui râle. J'en ai trouvé. Alors, est-ce que tu as... Ah oui, moi j'ai plein d'infos, moi. Plein. Deux astronautes. On avait mis Kiriko, bah, moi j'avais mis plein de trucs. Kiriko, juste la tête de petit bébé noir en emoji. Ouais. J'avais trouvé Kiriko. J'avais mis une blague, donc j'avais des lunettes et un visage noir. Ouais. Il avait fait sur le avait très bien. C'est quoi la logique pour justement. Ouais. Ah bon, j'ai 1h du matin. J'ai. Je vois ça. Ah, parce que tu vois la Mad Max, Story Road. Mais sans plein de véhicules dans un sens. Et tout à coup, j'ai une trottinette, une. Je vais mettre ça aussi. Dans le sens. C'est la première des fois que ce qu'ils ont mis, c'était une guitare avec une flamme. Ouais. Non, mais j'aime bien mon idée de voiture dans un sens et une voiture dans le sens. Ah oui, c'est vrai, la guitare, il est pas. On continue sur ce qu'on avait dit. Ah, faut aller voter. Faut aller voter dans 30 secondes, c'est des blancs. Vous avez voté? Ouais. Alors non, ça c'est une super mauvaise idée. Je peux pas montrer ma carte. Le groupe se rebelle. J'ai pas le droit, c'est pas le jeu. Pas question de se suspendre au bar. Ok. Alors, on revient. Ils sont où les autres enfants? On est des petits. Vous savez, nous pas dit. Hop. Alors. Karim, une voix. Oh, bon, ça c'est pour rigoler. C'est rigolo. Stéphane, trois voix. Stéphane, c'était contre l'autre. Maintenant, toi, ça va, j'ai l'impression qu'il s'était trompé de Stéphane. Et un, si je t'avais bien. Ah non, pardon, excuse-moi. Stéphanie, 3 voix. Toi, 5 quand même. 5 quand même. Ouais, quand même. Il y a plus, mais il y a mieux, j'imagine. Bon, heureusement pour toi. Bah ouais, à un moment, le fan club, ça va, ça vient. À un moment, le fan club, ça fait tout, quoi. Et je m'en viens. En tout cas, si tu t'appelles Rose, t'es quand même une chance. C'est des complots, méfiez-vous, je suis une astronaute. Tout ce qu'il y a de pas mutant. Astronaute. Lambda, sel. C'est pas bien. De corps et d'esprit, tout va bien. Sur ce. Je comprends plus rien. J'ai dit de voter des personnes, c'est pas celle qui meurt. Je ne comprends pas. Ça, c'est un bon la chef. Il y a une chose, on t'écoute pas en fait. S'ils font ça, faut penser au. Ils m'écoutent pas, mais on perd de plus en plus d'astronautes. Donc bon, au bout d'un moment. Peut-être que dans tes conseils, il y a des mutants. Au bout d'un moment, il va rester que les gens qui comprennent ce que tu veux. Bien. On se rendort. On a le droit d'être. Non, toujours pas. Tout le monde ferme les yeux. Allez les enfants, ferme les yeux. Je peux finir de mettre mes chaussettes? Oui, mais tu te dépêches. Parce que là, il y a juste un peu tout le monde qui t'attend. Allez, dépêche. Ferme les yeux en même temps. Ferme les yeux. C'est bon. Mais je vais faire. Tout le monde fait. On y va. Alors, on va réveiller maintenant le ou les mutants dans l'assemblée. Qui vont choisir si ils veulent paralyser la personne qui ne pourra pas utiliser ses pouvoirs. Quand tu fais le tour en même temps, tu tournes sur ta main. Paralysé. Maintenant, la personne qu'il souhaite buter ou buter. Ok. Les mutants se rendorment. Je fais mon petit tour paralysie. Ça a l'air un peu le mouvement. Suivi de mon petit tour mutation. Suivi de mon petit tour éventuellement mutation. Gosse un peu les clés, ça fait un barouf du diable. C'était pas ma tête ça. C'était pas ma tête. C'était pas ta tête. Je réveille maintenant le ou les médecins. Qui me désigne une personne qui souhaiterait éventuellement soigner. Je fais mon petit tour, le médecin ou les médecins se rendorment. Je fais mon petit tour soignage. Évidemment, si tant est que la personne concernée fut infectée. Je fais maintenant appel à l'informaticien. Je lui indique combien il y a de mutants dans son vaisseau. L'informaticien se rendort et le jour se lève. Personne en jaune qui était à ta gauche. Ouais. Et puis Julien avec les lunettes noires. Qui est aussi autant en fait. Il y a que deux mutants. C'est pas Richard ? Okay. Ouais. Mais okay. Du coup, ce tour-ci, on va. Ok, ça marche. T'as surpris. Jérémy ou Jérémy ? Jérémy ? Ok. Là, vous versez là-dessus ? Parce qu'on va le perdre lui si c'est vrai. Bah ouais, c'est sûr. Bon, bah. On n'est jamais sûr de rien, donc. Faut voter, faut voter. Ouais, non, je pense que c'est un petit peu. Là, il est pas, le problème, c'est qu'ils jouent tous les quatre ensemble, donc ils vont prendre la même personne. Tu crois? Bah ouais, c'est sûr, à chaque fois, ils votent la même personne. Ça va pas aider, quoi. Salut. Moi je suis mort. Je suis le fantôme qui me balade. Bah non, mais je sais pas. Mais oui, c'est ça. Donc, ouais, mais... Pourquoi là, il me dirait pas la vérité, alors? Bah non, s'il est dans notre cas, il peut plus nous mentir. C'est toi qui es louche, là. Bah ouais, il peut plus nous mentir, là, c'est bah sûr. Bah oui. S'il était mutant, il a été soigné, il peut pas me mentir, c'est aucune logique. Pourquoi il me mentirait s'il est de notre côté? Comment toi, j'ai pas été soigné. Lui il essaie de m'embrouiller. Ça fait deux tours que je votais pour lui et il y a des morts. Ah, c'est toi qui a voté. Ah ouais, bah, je te le dis, moi direct, il y a pas de soucis. Je l'ai dit depuis le début. T'es allé voter? Non, je vais aller voter. Qu'est-ce que. T'as voté utile. Franchement. Non, j'ai fait le vote utile. Est-ce que t'as fait barrage à quelqu'un? C'est non. Ah bah, au FN, forcément. J'ai fait barrage contre nous. Jérémy, j'ai fait. Je vais mourir. Et si j'avais le couteau sur lui? Ah non, non. Pour moi? Karine ouais. Et Stéphane sont suspects. Ah merde, du coup moi j'ai écouté Stéphane. Il m'a dit c'est jamais ouais, ou c'est lui qui a mouru, donc il faut voter lui. Ok, okay. Je m'en vais. Moi je continue pour lui. Grâce Seigneur, j'ai voté contre moi. Je t'assassine dans une parking. Je t'auto-suicide dans une parking. Je sais le médecin en fait. Est-ce que tout le monde a voté? Je pense. Je deviens président. Tu t'auto-suicides dans un parking. Non. Allez, tu peux piocher dans la caisse parlementaire. C'est j'aurais ta boucle, je vais te faire mettre ça. Je pense qu'il va y avoir une rébellion. Une pugila. Ouais. Ils se mettent toujours à garde de ce petit. Ils ont comploté. Une rébellion. Alors, la mutinerie. Résultat des votes. Julien. Elle a perdu sa carte. Je sais pas où elle est. Ouais, ça serait bien de la retrouver. Ouais, ouais. Bon, on cherchera. Non, non, on cherchera après, c'est pas grave. Allez, reviens là. Demain matin. Et allez, jusqu'à aller. Sous la tonnelle, là-bas, surtout. Ah, voilà, là où ils ont couru, je pense qu'on la trouvera demain matin. Je suis parti assez loin. Alors, on continue. L'entrée du jeu, c'est combien, vas-y, Julien? J'en étais à Julien. Alors, j'en étais à Julien. Ouais, j'ai dit Julien. Deux fois, Julien. Une fois. Le bâtard. Une fois, d'accord. Une voix. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Karim. Une voix. Une voix. J'ai Karim. Toi, tu débarques un petit peu, t'étais pas trop hein, jusqu'à maintenant, ça allait. Stéphane. Oh mon dieu, quelle surprise. Bah, Stéphane, un peu du classique, toi, t'es toujours un peu là. Hein, une voix. Bah, que une, hein. Ça fait longtemps que t'en as pas eu si peu. Kevin, deux. Ça devient un peu une habitude. Deux. T'as des supporters. Par contre, là, il y en a un qui a fait un beau carton. C'est qui? Hein, Jérém? Ouais, je sais. Qui ça? Ah là, Jérém, t'as ramassé là. Je sais pas qui c'est qui t'a balance, mais ça a envoyé du lourd. Je peux récupérer ton fond, Jérém, s'il te plaît. Donc, le côté saint de Jérém laisse à désirer, hein, soyons clairs. Je l'ai c'est, dit depuis le départ. Le Jérém, c'est limite purulent. Hein, il y a du sport qui se balade. Hein. Je vous l'avais dit. Voilà. Bon, sinon, à la base, c'était un astronaute. À la base. À la base. Très bien. Avant de remuter. Donc, du coup, les informations sont justes. Okay. Ça, on commence à propose qu'on enchaîne. Hein. Donc, on va passer en bonne nuit direct. Nuit direct, nuit direct, nuit direct. Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant le rituel. On laisse Jérémy s'en aller. Hop. Je réveille les mutants restants. J'ai réussi à. Les mutants me désignent la personne qu'ils souhaitent paralyser. Qui ne pourra plus utiliser ses pouvoirs cette nuit. Le ou les mutants me désignent la personne qu'ils souhaitent soit contaminer, soit éliminer. je fais mon petit tour, mon classique, n'est-ce pas? Le petit tour paralysie. Donc les mutants, vous pouvez vous endormir. J'enchaîne avec mon petit tour mutation. Et je vais terminer avec mon petit tour mortuaire. Je réveille les médecins. Je désigne là où les personnes qu'ils souhaitent soigner. Les médecins se rendorment, je fais mon petit tour pour toucher le sommet du crâne de la personne soignée, si tant est qu'elle fût malade. Je réveille maintenant l'informaticien qui j'indique le nombre de mutants présents dans le vaisseau. Les néons se rallument pour constater une nouvelle absolument tragique. Un jour de deuil national est décrété. C'est ce qu'on fait quand les grands dirigeants meurent. Au capitaine, mon capitaine, tu as une prérogative. Je sais plus si je t'en avais parlé, mais on a une. Tu peux désigner ton successeur. Oh là là. Le bras droit. Le mur. Ah, c'est moche. Hein. J'ai conscience que là, c'est moche à ce moment-là. Ils ont tous des têtes de suspects. C'est à peu près ça. J'ai confiance en toi. Tu vas parier sur quoi? La jeunesse, la maturité? La beauté. La beauté. Ça pourrait, la beauté. La beauté est un beau leader, est un critère de leadership. Oh. Bah toi. Tu désignes qui? Karim? Non, à côté. Tu côté? Marie. Marie, tu es intronisée, la première femme capitaine de notre vaisseau. Et la dernière. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. On part à la faillite. Vous connaissez le principe, hein? Discuter, ouais, on va discuter. Ça y est, maintenant le. Alors là. C'est sûr, certains votent en bande là. On veut qu'on savoir du point de politique. On veut savoir un peu politique à l'Assemblée. Je crois que c'est Julien. On a désigné son voisin, mais je crois que c'est Julien. Il me semble que c'est lui. Si c'est pas Julien qui était mutant, c'est son voisin, mais je crois que c'est Julien qu'on a désigné. Oui, il me semblait que c'était lui qu'on avait dit ouais, tout à l'heure. Bon, ah, c'est bon. Ouais, c'est que vous avez pensé. Ouais, mais tout à l'heure. Ouais. Dit, parce que bah, nous aussi, c'était ce qu'on disait. Désigné, aussi. Mais si c'est pas lui, ça sera son voisin. Mais je crois que c'est Julien. On se sent tant que ça. Personne ne veut deux. C'est un vrai quoi, il marche? Non mais, non. Rien. Celui-là, si tu parles, il t'entend. Non. Allô? Tu m'entends où? Oui, c'est bon. Vous avez voté? Oui. Non, on n'avait pas voté. On n'a pas voté, mais on a une idée. Alors nous, ce qu'on se dit là, chez le jeu, c'est Julien. Oui, Julien. Ouais. Moi aussi. Ouais. C'est ce qu'on se dit. Non, on est contre... Après, on n'est pas certain, hein. Ça manque de mutinerie. Pour une fois que le chef a tenu aussi longtemps, moi je vois une belle mutinerie au bout d'un moment. Ouais. Aidez, monsieur. Ah, j'ai eu une coupure de pile tout à l'heure. Ah, merde. Je sais pas où est-ce que ça a coupé. Coupé, ça a coupé. Il y a plus de semaine. Est-ce qu'on a gagné? Je parle des enfants. Donc nous devrions avoir le soutien des enfants. Quel chef. Tout le monde a voté. Il a vu en bas, tu vois, la main. Une poigne de fer dans un gars de velours. On se rassemble. C'est gentil. J'ai fait une OPA hostile sur la voix des enfants. Donc, le vote a été relativement rapide et pour cause. Bon, il y a quelqu'un qui s'est égaré sur Karim. Il a entendu que Julien, il pouvait quand même décemment pas voter contre lui-même. À un moment, faut comprendre, quoi. Hein, même si on sait des choses, on peut pas s'auto-flageller. Par contre, Julien, quasi unanimité. Un score de dictateur cubain, hein. C'est incroyable. Hein. T'as tout sur deux. Là, c'est quand même pas mal, y'a personne qui a fait mieux que toi. Y'a un blanc, c'est ça? Est-ce que je pourrais récupérer ta carte, là, s'il te plaît? Il a eu combien? 9. 9 ouais, ouais, ouais, c'est pas mal appliqué. Et là, c'est sur 10, hein, donc ça vaut le coup, quoi. Allez, pas de... Bon, Julien, c'était un astronaute au début. Au début, seulement. Puis au milieu aussi, d'ailleurs. Et vers la fin, c'était toujours un astronaute, mais tout à la fin, c'est devenu un mouton. Et c'était le dernier. Ah. Donc, les astronautes remportent la partie. La partie est terminée. C'est qui le médecin, là ? Le médecin a très bien joué tout le long. Moi, je sais qui c'est. Ah ouais. Alors, tout le long, je suis pas sûr. Hein. Au début. Alors, moi, au début, j'ai des. Elle y est plus. Avant le dernier tour. Hein. Paralysé. Ah, c'est paralysé qu'il avait. J'ai eu paralysé et un meurtre sur Kevin. Ah, oui, moi, j'ai muté Émilie, puis ensuite Stéphane, puis ensuite j'ai été tué. Et c'était qui dans... Et donc, il restait plus que Émilie et Stéphane. C'était qui dans Et ensuite, il y a eu Jérémy. Ça. Le dernier médecin. Et puis après, on a ressuscité d'une certaine c'était manière. C'était qui ouais. J'ai tout balancé. On t'a soigné, ouais. Ah bah oui, non, mais c'est ça, de toute façon. T'es guéri, tu balances. Le médecin, il devient mutant, il balance aussi. Hein. Ouais. Mais logiquement, quand t'es guéri ouais, et que ouais, tu balances tout, tu meurs au prochain tour d'après. Mais ça dépend. Mais en fait, justement, il ne savait pas encore. Il ne savait pas. Oui. T'es pas réveillé. Ah oui, il a pas. Alors, c'est normal. Julien était. Muté Allez, quand mutant, Stéphane a été sauvé. Julien a été muté. Donc au dernier tour, donc, il savait pas qui étaient les autres. Ensuite, il y a eu Jérémy. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça en fait. Jérémy a été tué. Après, il y a eu le gouroutage de Julien. Après, Stéphane a été tué. Et après, Julien. Voilà. Voilà. Il était sauvé. Il a été soigné. Stéphane a été soigné, pardon. Et il a balancé. Voilà. Donc la première qui a balancé, c'est Émilie qui a été soignée. Qui a balancé. J'ai gagné. Et après, il y a Stéphane qui a été soigné.